Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjana. De Transjana. De Transjana. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison ou les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjana. De Transjana. De Transjana. De Transjana. Bonsoir, ceci est l'émission Transjanard du mercredi 7 avril, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Le studio de Radio Air Libre est situé chaussée d'Alsenberg, 365A à Forêt, à Bruxelles. Mais ce soir, nous ne sommes pas en studio, mais nous avons prévu un reportage de la journée Housing Action Day qui a eu lieu à Bruxelles le 28 mars. Les enregistrements dans ce reportage ont été produits par Nicole de Transjanard, ensemble avec Titi de l'émission À la cloche de bois, une émission en collaboration avec Transjanard Radio Air Libre, qui se passe tous les deuxièmes mercredis du mois, donc le mercredi suivant, le 14 avril, dans laquelle d'autres enregistrements de ce journée d'action seront diffusés. Vous allez aussi entendre des podcasts du projet Urbanisation, en collaboration avec des participants des cours de français à l'ASBL Culture et Santé. Nicole a suivi leur balade sonore à Anderlecht les dimanches 28 mars, dans le cadre de cette journée d'action logement. Pour ce reportage, j'ai fait un collage des différentes actions qui ont eu lieu ce jour-là, comme donc la balade sonore de Urbanisation à Anderlecht, le tour de cyclistes revendicatives qui est parti à 11h du matin à Trône, et le rassemblement final à 15h à la place de jeu de balle dans le quartier d'Amarolles. Pendant ce rassemblement, plusieurs chansons ont été chantées par plusieurs collectifs et j'ai rajouté des morceaux de musique liés aux thématiques de logement reçus par DJ 42. Un grand merci à toutes pour avoir participé à ce reportage sonore Housing Action Day Bruxelles. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rassemblement du Housing Action Day. Hello and welcome and Alan, welcome op deze internationale bijeenkomst. Alors en fait, ce rassemblement est dans le cadre d'un appel européen. Il y a eu hier plus de 75 villes dans lesquelles il y a eu des mobilisations, notamment à Nicosie où il y a eu des grandes marches pour contester la vente aux enchères des logements dont les gens ne savent plus payer le crédit. Et à Berlin et dans d'autres villes en Allemagne, ils étaient des milliers à marcher dans la rue pour revendiquer la réquisition des bâtiments qui appartiennent aux gros propriétaires et pour militer pour que le gel des loyers soit poursuivi, parce qu'à Berlin, ils ont obtenu le gel des loyers. Ook in Italië, Polen, Griekenland en nog veel andere Europese landen hebben ze gisteren meegedaan aan meerdere acties voor recht op een woning. Et c'est hyper chouette de se revoir, de se voir tous ici. C'est vraiment un appel de toute la Belgique. Donc il y a des gens de Bruxelles, il y a des gens de Wallonie, il y a des gens de Flandre, Et ça fait chaud au cœur. In Gent bijvoorbeeld zijn er vandaag ook acties aan de gang en in andere Waalse steden. Voilà, alors on aurait pu espérer que le sol soit un peu plus sale et que le vieux marché ait eu lieu, mais c'est pas le cas. Pour le moment, dans les Marolles, à l'endroit où on se voit, la situation elle est vraiment hyper difficile. Le vieux marché est fermé et la zone subit une gentrification de malades. Donc voilà, c'est quand même aussi important de savoir où on se trouve. We zijn niet op het Vossenplein zonder reden, want vandaag heeft deze buurt echt heel veel problemen met woning, veel gentrificatie en bijvoorbeeld de oude markt is al sinds COVID afgelast, wat de verschillende bewoners van deze buurt echt in problemen brengt. Alors sur les 60 associations et collectifs qui ont réussi à se rassembler derrière ces revendications, y a vraiment plein de gens qui s'organisent sur les questions liées au logement au sens large. Le lien entre le logement et la santé, le sans-abrisme, le mal-logement, les liens entre le racisme et le logement, entre les femmes et le logement, enfin voilà, c'est vraiment important. Et alors, les revendications derrière lesquelles on se rassemble, certains pourraient les juger utopistes. Nous, on pense qu'elles sont tout juste réalistes et que pour que chacun et chacune ait droit à un logement décent, il faut un changement structurel et radical. Et pour le dire vite, le logement est trop important que pour être laissé aux mains du marché. Mais merde, 60 organisaties staan we hier vandaag met één heel belangrijke revendicatie. Gewoon huisvesting is te belangrijk om aan de financiële markt over te laten. Alors je vais quand même vous parler de ces revendications parce que c'est ça qu'on fait en début de rassemblement. Alors, parce que les loyers sont trop chers et qu'ils augmentent continuellement, nous voulons une baisse et un encadrement des loyers dans tout le pays. Omdat de huur te duur zijn en alleen maar stijgen, willen wij een verlaging en controle op de huur. Parce que les expulsions sont inhumaines et inutiles, nous voulons la fin des expulsions et des logements dignes pour tout le monde. Omdat huiszettingen onmenselijk en onnodig zijn, willen wij dat er een einde komt aan huiszettingen en dat iedereen een waardige huisvesting krijgt. Parce que la spéculation nous vole des espaces dans lesquels on pourrait vivre et mener des activités. Nous voulons l'abrogation de la loi anti-squat. Et nous voulons que les propriétaires qui laissent des logements vides soient sanctionnés. Ce n'est pas normal. Omdat speculatie ons bewoont van ruimtes waarin we zouden kunnen wonen en waarin we activiteiten zouden kunnen organiseren, willen wij dat de anti-kraakwet wordt ingetrokken. Et parce que nous sommes plus importants que l'argent, nous refusons que nos lieux de vie ne soient des machines à profit pour les intérêts du privé et pour les investisseurs. Omdat we belangrijker zijn dan winst, weigeren we onze leefruimtes te laten verworden tot winstmachines voor particuliere belangen en investeerders. Parce que en tant que locataire, que ce soit dans des logements sociaux ou dans des logements privés, nous sommes les mieux placés pour savoir comment gérer nos lieux de vie. Nous voulons une gestion collective de nos logements. Omdat we intelligent genoeg zijn en huurders allemaal, gaan we nu en collectief samen onze woningen beheren. Parce qu'il y a des milliers et des centaines de logements insalubres en Belgique. En fait, on veut que les logements soient salubres, tout simplement. We willen gewoon degelijke huisvesting voor alles, omdat er niet genoeg degelijke huisvesting is vandaag. Parce qu'il n'y a pas assez de logements et de terrains sur lesquels nous avons notre mot à dire. Nous voulons plus de terrains publics, plus de logements sociaux et plus de coopératives. On a besoin de huisvesting et grond waarover we zeggenschap hebben. Willen we meer openbare grond, sociale huisvesting en huurderscoöperaties. Parce que la terre brûle à cause de leurs choix écologiques désastreux pour lesquels on n'est pas responsable. On veut un développement urbain et rural, solidaire et écologique. Les villes polluent trop, ce n'est pas acceptable. We willen een solidaire en ecologische stedelijke en plattelandsontwikkeling. Steden vervuilen veel te veel en daar willen we aan dat willen vermijden. Et parce que habiter, c'est habiter dignement. Nous voulons un accès à l'eau et à l'énergie pour toutes et pour tous. Omdat wonen waardig wonen betekent, willen wij toegang tot water en energie voor iedereen. Alors ce rassemblement, c'est l'occasion de se rencontrer et de continuer ou de commencer à s'organiser ensemble pour lutter. Et alors aujourd'hui, on vous propose de vous rencontrer, mais à distance, Covid, machin chouette, donc 1m50, gardez vos masques, sauf quand vous prenez la parole sur scène, s'il vous plaît. Donc il y a un stand d'info juste là, il y a du vent. Il y a moyen de faire vos slogans, il y a moyen de parler des discriminations que vous avez pu subir sur le marché du logement. Il y aura un peu de musique et puis il y aura des prises de parole et de chansons. Et puis on finira avec un discours motivant sur toutes les luttes qui se passent actuellement avant de danser un petit peu sur les Blessed Ladies. Vandaag is echt de perfecte dag om collectief over huisvesting na te denken en samen deze strijd aan te gaan. Er zullen tal van activiteiten georganiseerd worden, daar is de infostand. Verschillende ateliers over discriminatie op huisvesting, maar ook ateliers voor jongeren, mensen, kinderen, schilderateliers waar jullie huisjes kunnen schilderen. Er zullen verschillende personen aan het woord komen en hun ervaring met ons delen. En dan zullen we de dag eindigen met een fantastisch concert van Blessed Ladies. C'est l'occasion aujourd'hui de se voir et de rappeler, de crier haut et fort que le logement n'est pas une question individuelle, mais une question collective et que nous entendons bien en faire un droit. Le logement est une lutte essentielle qu'il nous faut mener ensemble. Voilà, commençons aujourd'hui à nous soutenir, à nous rencontrer, à continuer à lutter et à la fin on gagnera. Ceci était la chanson Lynch the Landlord faite par Faith No More sur la compilation Virus 100 du label Alternative Tentacles. On est parti imminent, d'ici 5 minutes on se met en route pour tout. Nous avons l'occasion d'amener une radio, on va émettre sur le 88 FM. Donc on fait un site, on se met en place et vous pouvez tester. Et l'idée, c'est qu'on invite tout le monde à suivre le spectacle, c'est de laisser devant, on fera une visite guidée, on va un peu parler des questions du droit à la ville, de la qui profite de la construction de Bruxelles, telle qu'on la connaît actuellement. Et vers 13h, on va faire une pause pour manger, et après toutes les personnes qui le désirent rejoindre le rassemblement officiel de la place du Pâle. En tout cas, merci déjà d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à venir de grand matin, malgré l'heure perdue de sommeil. Félicitations. Donc on est en direct ici de Troon pour l'action Housing Day. Et donc on voulait savoir si tu peux parler de la situation du logement à Bruxelles, la difficulté de se loger, je dirais pour tout un chacun et plus particulièrement pour les sans-papiers. Et aussi un mot par rapport aux différentes réquisitions qui ont eu lieu ces derniers temps. Bon, je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'état du logement à Bruxelles, mais de ce que je sais, il y a des chiffres qui sont sortis là en 2020 qui disent que le mal-logement et le sans-abrisme a augmenté et très fort. Et en plus, ce chiffre est minimisé par le fait que le moratoire anti-expulsion a empêché toute expulsion depuis maintenant un an. Donc l'état du logement, il est désastreux et en pleine crise, en pleine pandémie, pour les sans-papiers, c'est encore pire puisque ils se retrouvent à la rue et sans aucun moyen de trouver un logement. Et c'est donc face à ça que la campagne de réquisition solidaire s'est mise en place. Et donc voilà, on essaye d'ouvrir des bâtiments pour les sans-papiers. On en a déjà ouvert quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont foiré aussi. Mais voilà, on continue dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, spécialement pour la journée, pour le 28 mars, la journée du droit au logement, on pense que c'est une bonne journée pour agir et pour faire des actions concrètes. Donc voilà, on attend de voir ce qui va se passer aujourd'hui, mais plein de surprises au programme. D'écouter Ocupa par Agua Bendita. On s'est arrêté ici pour ce premier arrêt de notre balade sur le logement à Bruxelles, devant le bâtiment de Immobel. Immobel, vous voyez, c'est le bâtiment qui fait le coin là. Il y a ce petit drapeau, c'est écrit dessus. Et Immobel, c'est un des plus gros promoteurs immobiliers actifs. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête là? Parce que ils font partie de ces entreprises qui font la ville, qui fabriquent la ville, qui fabrique Bruxelles. En ce moment, ils ont une quinzaine de très très gros projets en route à Bruxelles, qui ne sont pas exclusivement des projets de logement, loin de là, mais qui sont surtout des projets de logement plutôt chers et qui ont vocation à devenir occupés par des personnes avec d'assez grands revenus ou à être des produits d'investissement. Et donc, je vais faire bref sur Immobel, mais c'est juste pour dire que ce genre de boîte, en fait, au départ, c'est des promoteurs immobiliers. Donc, il y a Immobel, il y a Athénor, il y en a d'autres comme ça. Il y a BPI, Bezix. C'est des grosses boîtes de promotion immobilière. Ce qui signifie que leur objectif, c'est de rassembler du capital, des gros montants, pour construire des bâtiments et les revendre, si possible, avant même qu'ils sortent de terre et faire un très gros bénéfice avec ça. Immobel, c'est une boîte qui appartient à deux tiers à un des hommes les plus riches de Belgique, qui s'appelle Marnix Gayle. Et cette boîte Nobel, depuis qu'il en est propriétaire, elle a rapporté entre 20 et 25 millions d'euros de dividendes par année. Et donc, on est vraiment face à des machines qui rassemblent beaucoup de capital, qui produisent des immeubles, qui produisent énormément de dividendes pour leurs propriétaires et qui, in fine, nous laissent avec des bâtiments qu'on ne peut pas occuper et qui ne résolvent absolument pas, bien au contraire, les enjeux de logement à Bruxelles et les problématiques de logement abordable à Bruxelles. Leur gros kiff à ces promoteurs-là, c'est de construire des tours comme celles qu'on vient de passer là, dit Hôtel, des trucs bien hauts, puisque c'est à partir d'une certaine hauteur qu'ils déploient leur rentabilité. Sauf que ces tours, bah, on l'a vu hein, quand on est passé devant, entre autres désagréments, ça produit des tourbillons. Mais surtout, ils ont pour effet de faire augmenter le prix du foncier, de faire augmenter le prix des logements à Bruxelles. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on essaie de faire assez court, mais on vous reparlera d'Immobel puisque notre prochain arrêt, c'est devant un des gros projets d'Immobel en ce moment qui s'appelle Le Beau. Bonjour tout le monde. Normalement, vous avez tous reçu... Vous avez tous reçu la parole, donc c'est très facile puisque c'est l'ère de la vie en rose. Voilà, vous avez normalement tous reçu les paroles. Le syndicat des immenses, c'est marqué dessus ce que c'est. Et donc, juste dire qu'on a voulu être autonome et des grands. On a enregistré et c'était vraiment tellement épouvantable qu'on a affaire à des professionnels que je vais quand même remercier. C'est la... Les voix des Garennes. Donc, et ils sont là pas pour qu'on les écoute, mais pour vous inviter à chanter tous ensemble. C'est en Belgique la dictature, en parcours de l'humanité, condition de la dignité. Ni faveur, ni caprice à toi. Quand je ne trouve pas de logement, qu'on m'exclut tout le temps, je sombre dans la névrose. On me dit de chercher quand même, c'est comme ça, c'est le système. veulent faire de la gare du Midi quelque chose comme vous avez au quartier Nord et à la gare du Nord, donc un International Business Central District, un truc fabuleux. Et donc l'idée c'est de pouvoir monter dans les hauteurs, hein, parce qu'on dit plus des tours, on dit des skylines, on dit des émergences, etc., des grands gestes architecturaux. Et il y a la tour du Midi, mais la tour du Midi elle fait 150 mètres de haut, elle date des années 60. Et donc c'est un peu dire, ah ben voilà, là on a un skyline, et donc on peut ici autour de la gare continuer à monter en hauteur. Alors les hauteurs, bon, c'est un problème, on l'a vu tout à l'heure quand on passe à vélo dans. Enfin voilà, évidemment ça crée des tourbillons, enfin, il y a plein de problèmes liés à la hauteur, ça bouche la vue, ça bouche le paysage. Mais surtout, ça génère de la spéculation, parce qu'imagine un promoteur, il est propriétaire d'un terrain qui fait un demi-hectare par exemple. En fonction de la hauteur qu'il peut construire, il peut tripler, quadrupler, quintupler évidemment son bénéfice, puisqu'il va pouvoir construire beaucoup plus de bureaux, beaucoup plus de logements sur la même taille de la parcelle. Donc il a une plus-value. Et en fait, en région bruxelloise, cette plus-value n'est pas taxée. Donc c'est un régime hyper favorable à la promotion immobilière. En région flamande, en région wallonne, cette plus-value est en partie taxée. Ici, elle n'est pas taxée. Donc c'est un régime hyper libéral. Oui. Ouh, j'entendais où ? Ouh. Alors, juste devant vous, vous avez le fameux centre de tri postal. Je pense que beaucoup d'entre vous savent que le centre de tri postal est en occupation temporaire par la Comuna. Mais ce qui se dessine après le passage de la Comuna est aussi assez dramatique, puisque là, en fait, c'est un vaste deal de nouveau entre pouvoir public et promoteur privé. C'est un deal de nouveau avec Immobel, qu'on vous a déjà présenté, dans le siège de qui on est passé près du palais de justice. BSX, BPI, tous les gros promoteurs. Et ces gros promoteurs se sont regroupés, ont dealé avec la SNCB, puisqu'on est près de la gare du Midi, qui est propriétaire de plus de 200 000 m² dans le quartier. En fait, la SNCB a des bureaux derrière, côté France, Barra, a des bureaux ici, on est passé devant rue de Mérode, c'est les bâtiments blancs. En fait, ces bâtiments ne sont pas très anciens, en fait, ils ont été construits fin des années 90, début des années 2000. Le deal immobilier, c'est que les promoteurs rénovent le centre de tri postal. Ils rajoutent le double en mètres carrés. Donc, en fait, la part que vous voyez là, elle serait doublée en hauteur. Et donc, on se vante de dire, oui, ça serait la plus longue barre magnifique de la région bruxelloise. Je ne vois pas l'intérêt, mais bon, voilà. Il dit la part, elle s'appelle Marcel Brota, c'est un artiste conceptuel. Et ben, c'est son cri du concept, c'est hyper conceptuel. C'est magnifique. Et donc, en échange, une ambulance, là, on laisse passer, s'il vous plaît. Et donc, le fameux deal, ces promoteurs rénovent à l'œil, mais c'est pas du tout à l'œil. En échange, la SNCB leur refile à l'œil tous les autres milliers de mètres carrés que je vous ai dit, rue de Mérode, rue de France, rue de Barra, etc. Et là, ils vont pouvoir monter en hauteur, construire encore du logement, du bureau, et vous n'aurez que du logement privé. Ici, dans le Bas de Saint-Gilles, il y a 4% de logements sociaux. Quand il y a la vaste opération immobilière d'expropriation-expulsion des logements, on a construit quasi que du bureau et un chouïa de logements sociaux. Et dans les milliers de mètres carrés de logements qui se dessinent à l'horizon, on se dit, ah ben oui, mais ça va être pour les navetteurs, etc., pour les touristes, mais on ne pense pas tellement aux habitants. Il y a un peu de logement public, mais c'est du logement city dev, je vous en parlerai un petit peu plus loin, et pour ainsi dire, pas de logement sociaux. Bon, après, il y a des habitants qui se mobilisent, il y a des collectifs. Historiquement, il y avait le comité Quartier Midi qui avait fait ce film, etc. Aujourd'hui, il y a le collectif Midi moins une qui vient de se constituer. Et il y a une commission de concertation, Mohamed parlait tout le temps, tout à l'heure, des enquêtes publiques, commission de concertation. Donc voilà, il y a quand même des leviers, de la contestation, et donc tout n'est pas cuit. Il y a aussi bien évidemment les voies juridiques, les recours, mais quelque part, voilà, il y a quand même moyen par moment d'aller mettre des cailloux dans les chaussures de ces foutus promoteurs et aussi d'emmerder les pouvoirs publics à ce niveau-là. On continue. Avec Action Logement Bruxelles, Et on va vous chanter une petite chanson. Les paroles ont été distribuées normalement. Et avant ça, je vais laisser la parole à Léa qui va vous dire un petit mot. Angela D, Action Logement Bruxelles et Collectif 8 Mars. Donc nous, on travaille sur la question de l'accessibilité au logement pour les femmes. Un logement où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Le marché spéculatif du logement est un obstacle supplémentaire à l'émancipation d'un bon nombre de femmes. Les aînés, les isolés et les mamans solos sont les grandes disqualifiées de cette course au profit qui ne fait que les déstabiliser davantage sous prétexte de libre investissement et de droits sacrés à la propriété privée. Lorsque le racisme et le sexisme s'ajoutent aux discriminations sociales, on se retrouve avec des personnes qui luttent au jour le jour simplement pour survivre. Et cette lutte ne tient parfois qu'à un fil lorsqu'il s'agit de rester dans un logement dangereux pour la santé ou aux côtés d'un partenaire ou d'un parent violent. Rappelons que la majorité des violences faites aux femmes ont lieu au sein même du domicile. Donc, un logement abordable, où je veux, quand je veux, avec qui je veux, et pour une ville féministe, pour toutes et pour tous. Toi mon toit, le logement est à moi. Toi mon toit, nous nous battons pour ça. À tous les jours facile d'élever mes enfants. Quand le papa décide d'être abonné absent, assumer double rôle, c'est déjà la galère. Mais quand le loyer monte, c'est carrément l'enfer. Toi mon toit. Partager mon logis, il te faudra, je crois, apprendre part de mon logement. Moi, c'est Céline. Et donc, bah, je travaille pour Urbanisation, la SBL, qui a réalisé avec Culture et Santé cette balade sonore. Parce que donc on a travaillé avec un public d'adultes apprenant le français qui viennent ici à Culture et Santé. Émilie, et donc je fais partie de Urbanisation aussi. Et donc cette balade sonore, aujourd'hui, elle s'inscrit dans le cadre de l'appel à action Housing Action Day, qui est un appel à action pour le droit au logement pour toutes et tous, un logement décent, qui est en Belgique, mais dans plein de pays d'Europe aussi. Il y a eu pas mal de mobilisations ce week-end dans d'autres pays en Europe. Et donc on a décidé de lancer en fait la diffusion de cette balade qui était directement liée avec la question de la problématique du logement et qui est ici, voilà, est abordée directement par des personnes qui vivent ces problématiques-là. Et donc, pourquoi avoir travaillé, réalisé cette balade sonore sur la question du logement? C'est une thématique qui a été choisie par le groupe. C'est une thématique qu'ils avaient envie d'aborder parce qu'ils avaient envie de transmettre, de parler des difficultés qu'ils vivent au quotidien, mais aussi d'essayer de trouver des pistes de solutions, d'aide, d'alternatives par rapport à ce qu'ils vivent. Et donc nous, les balades sonores, mais ça dépend, c'est pas toujours sur la thématique du logement. Parfois, il n'y a pas vraiment une thématique en particulier. Ça peut être sur des lieux, ça peut être sur des espaces qui n'existent pas. Enfin voilà, l'idée, c'est qu'on les crée vraiment à partir du groupe qu'on rencontre. Et donc là, ici, on l'a fait avec Culture et Santé, qui les a accompagnés aussi chaque fois entre les ateliers où nous, on les rencontrait, sur des informations un peu plus techniques aussi sur, par rapport à la question du logement, par rapport aux associations, structures qui peuvent les aider, où est-ce qu'ils peuvent faire appel. Qu'est-ce qui existe comme alternative aujourd'hui, voilà. La balade sonore, donc nous on vient en donner des ateliers au public de participants pour que ce soit eux qui créent cette balade sonore. Donc on leur apprend à utiliser un enregistreur, un micro. D'abord on écoute ce qu'ils ont envie de dire et ce sur quoi ils ont envie de s'exprimer ici. Pourquoi est-ce qu'ils avaient voulu choisir cette thématique du logement, qu'est-ce que ça fait chez eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir et d'apprendre. Et puis après, on va vraiment chercher des espaces aux alentours du point de départ ici, donc Culture et Santé, donc dans le quartier aux alentours, rencontrer différentes ASBL, mais aussi des personnes ou des endroits qui sont un peu différents et qui ont un lien avec la thématique du logement. Mm-hmm. Du coup, on est quand même réduite, entre guillemets, à un quartier. Donc, on ne pouvait pas non plus aller à l'autre bout de Bruxelles. Et donc, en fait, c'est ce que les filles Dominique et Nagia, donc les animatrices de Culture et Santé, ont fait en parallèle à nos ateliers avec le groupe pour qu'ils puissent quand même rencontrer d'autres acteurs et répondre aux questions des participants sur la thématique du logement. Donc ce que vous allez entendre et découvrir dans la balade, c'est leurs récits, leurs histoires. D'autres personnes qu'ils ont rencontrées, ils ont fait des micro-trottoirs, donc qui questionnent par rapport à cette problématique-là. Et donc là, c'était important parce qu'il y a eu tout un travail aussi de dire c'est important de raconter ce qui ne va pas, ce que vous vivez, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du logement à Bruxelles. Et eux se sont rendus compte aussi qu'ils n'étaient pas les seuls. Et donc c'était important de faire changer les choses aussi. Et que, ensemble, on est moins isolés et que, ils pouvaient avoir du soutien pour répondre aux difficultés qu'ils vivent aujourd'hui. Et donc, la balade ici, c'est de vous plonger dans les histoires à travers le regard et les récits des personnes qui ont créé cette balade sonore. Donc, le groupe de participants de Culture et Santé. Et puis, on n'a pas pu vraiment faire toute une étude, rencontrer toutes les personnes, toutes les alternatives possibles sur le logement. Ce n'était pas vraiment le but non plus. Le but, c'est vraiment de montrer un certain regard, une rencontre à un moment donné de tout le travail qu'on a fait avec le groupe. Mais donc voilà, on sait qu'il y a encore plein d'autres choses et que parfois c'est un peu frustrant parce qu'on a envie de dire « Ah oui, mais il y a ça aussi qui existe, ça aussi qui existe ». Donc voilà, c'est une petite partie du travail qu'on a fait avec les participants. Et donc, les participants, ils ne sont pas présents aujourd'hui, D'habitude, on aime bien permettre aussi la rencontre entre les personnes qui ont réalisé la balade avec nous et vous, le public qui vient la découvrir. Mais avec les conditions actuelles et tout, c'était vraiment compliqué pour les participants de venir et puis pour nous pouvoir agrandir les cercles et tout ça. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que nous, on fait le lien avec eux et avec les animatrices de Culture et Santé pour leur expliquer comment ça s'est passé, comment le public a reçu leur travail, leur réalisation, et s'il y a eu des questionnements ou des retours. Et vous existez depuis quand, Urbanisation ? Depuis 2007. 2007 et c'est quand même. Depuis 2007, on propose des balades sonores. Okay, ouais. On a un collectif depuis 2007, ouais, et en ASBL depuis 2015. Okay. Mais donc... Et donc ici, on va vous inviter à lancer la piste 1. Et durant la balade, par contre, vous n'allez pas avoir le casque tout le temps sur vos oreilles. Ce qui est important pour nous aussi, c'est que vous vous laissiez aussi imprégner du territoire, de l'espace que vous êtes en train de traverser, des sons. Et donc voilà, d'être imprégné aussi de ce qui se passe là maintenant dans l'espace qu'on traverse. Donc il y aura des temps d'écoute devant des endroits, d'autres temps d'écoute en marchant. Et entre les moments où il n'y a rien à écouter, on vous demande d'enlever votre casque et voilà, de vous imprégner de l'espace que vous traversez. Et puis, soit vous pouvez discuter entre vous ou pas, être en silence. Et voilà, ça, c'est un peu libre à vous. Et on prendra de toute façon un petit temps en fin de balade pour partager comment on a vécu cette balade. On va écouter la piste 1 en restant ici parce qu'elle parle des participants de Culture et Santé. Donc, comme on y est... On va commencer par l'écouter ici, quoi. Voilà, quand vous voulez. Écoute, écoute. L'histoire. L'histoire. Dans mon logement. Écoute-moi l'histoire. Écoute l'histoire de mon logement. Dans mon logement. Dans mon logement. Dans mon logement. Dis logement réel au logement réveil. Micro et appareil photo en main, nous nous sommes promenés, nous avons fait des rencontres, nous avons dessiné, nous avons partagé nos histoires et nos différents regards. Ces histoires, nous avons eu envie de vous les partager. Suivez-nous, nous allons vous guider. Quand vous vous entendez... Mettez pause et enlevez votre casque. Moi, quand je suis arrivée ici en Belgique, j'ai perdu l'espoir de trouver l'appartement parce que mon mari il est venu ici 6 mois ou 7 mois avant de moi. Et pour avoir l'adresse et tout, il faut avoir l'appartement. Et lui, quand il a cherché, il a trouvé un appartement, il ne plaît pas. Mais pour faire l'adresse et commencer à faire toutes les démarches, il faut avoir cet appartement. On n'a pas le choix parce qu'on peut rester là-bas. On dort tout dans une chambre parce que l'autre est plein d'humidité. On a beaucoup de problèmes avec le propriétaire. Surtout le chauffage. Il ne veut pas réparer le chauffage. On a tombé beaucoup de fois à réchauffer l'eau pour faire la douche. On appelle et pas de réponse. Je viens aujourd'hui, je viens demain ou quelquefois viens. Et après le chauffage, il tombe encore. C'est une vieille appartement qu'il ne veut pas. Il veut sauf l'argent, il ne veut pas réparer rien du tout. Il y a un autre problème. Quand tu vas chercher l'appartement, le propriétaire, il a dit, il y a combien d'enfants ? Quand il la trouve 3 ou 4, il a dit, excuse-moi, il n'y a pas de loyer. Ça, c'est un grand problème ici. Mais quand tu as une enfant ou 2, ça va. Mais 3 ou 4, comment on a fait maintenant ? Mon mari, quand il a besoin, il a dit combien d'enfants ? On a 3 enfants, il a dit 1. Parce que je me trouve une difficulté, j'ai pas le choix. Logement social, ça fait 10 ans. Pas de réponse. C'est difficile. Ici, c'est difficile. C'est 5 ans. 5 ans en 6 ans. Il n'y a pas de neuf. On a dit attends. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a des associations qui aident à louer à quelqu'un qui coûte beaucoup trop cher ? J'ai demandé pour le logement foyer et elle m'a dit que je dois attendre 20 ans encore. Il y a des gens que je mors et des gens que... Oui, oui, oui. Peut-être qu'on va mourir. Oui. Parce que j'ai 4 enfants et elle m'a dit que tu as besoin pour 4-5 chambres, c'est difficile. Oui. Moi j'habite en face d'ici. On a de la cour pour les enfants, pour qu'ils jouent. Mais pendant le confinement, ils ne sortent pas, les enfants, ils restent à la maison. On a un peu de comme jardin, fleurs. Moi, je suis contente parce que je pense que si peut-être j'étais dans l'autre logement, il était très, très, très difficile de faire le confinement. Très difficile. Et les petites, beaucoup de problèmes. J'ai vu que dans cet logement, le premier logement. Et je suis contente que le confinement, je l'ai fait dans l'autre. Qu'il y ait un grand 3 chambres et un grand salon et j'ai le balcon et ça, etc. Et j'habite à côté des parcs. C'est pas la même chose parce qu'avant j'ai habité ici à Port-Anderlecht, à côté. Il est petit et pas d'espace, pas de balcon, beaucoup de bruit. C'est peut-être j'ai fait le confinement là-bas, je deviens folle, quoi. Mais je suis très contente que j'ai changé l'appartement avant le confinement. Surtout, il n'y a pas beaucoup de gens. Il a de la chance, c'est ta chance de voir un terrasse ou jardin ici à Bruxelles. Pas de gens, pas beaucoup de gens. Oui. Parce que le logement, c'est pas juste d'avoir un appartement, juste les murs. Il faut quand même avoir un bon appartement et aussi un bon entourage. Si tu trouves déjà l'appartement, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il n'a pas beaucoup de choix. On n'a pas beaucoup de choix. Suivez-nous. En sortant de Culture et Santé, tournez à gauche vers la porte de Anderlecht. Et traversez les deux boulevards pour rejoindre la chaussée de Mons. Au début de la chaussée de Mons, lancez la piste 2. Et écoutez la piste en marchant sur le trottoir de droite. En fonction de votre rythme, prenez la deuxième rue à droite et arrêtez-vous rue de Liverpool. Waouh Sénégal, ils nous ont annoncé baisse des prix du loyer. Nous y sommes. 10 000, 7500, 15 000, 10 650. Nous y sommes 20 000, 14 200. Nous y sommes 25 000, 17 750. Nous y sommes 30 000, 21 300. Nous y sommes 40 000, 28 400. Nous y sommes 50 000. Je n'ai pas laissé mon mec, man mi locataire. Je n'ai respecté l'ouabi, man mi propriétaire. Je n'ai pas laissé mon mec, man mi locataire. On m'a respecté l'ouabi, man mi propriétaire. Je n'ai pas laissé mon mec, man mi locataire. On m'a respecté l'ouabi, man mi propriétaire. Je n'ai pas laissé mon mec, man mi locataire. On m'a respecté l'ouabi, man mi propriétaire. Yo, man locataire la jiri keri. Ma fité wal sénégalais yi di louer ci bi keri. Xana bekk ci wañi buñ wañi louer ci keri. Teggil nañ ma yend 10 bi nekkon sama bop. Rémi ñun ñoko bok. Sénégal ben no bok. Xatchando dora do yott bi ñoko wara bok. Wer ak morom dafa gaaw lu yaas dafa metti yag deggu ciowal usiyé ndax ñeek bu cher bi fay courant fay ndox dépense bu bu nek jangum xalé yi nema kay transport bi mënta ñak segam légui wañ nañ yu yaas bi ma sant yalla alhamdoulillah yon jël na ndogal bi dina walé sama mbéké man mi locataire on ma respecté loi bi man mi propriétaire bi dina walé sama mbéké man mi locataire on ma respecté loi bi man mi propriétaire bi boss nekul do mëna xam mon ma Boko jappé ni sa bop gam nan jaw on ma respecté loi bi lepp do ba bi wo yeah yeah yeah propriétaire bip, locataire bip, y'a beaucoup Sénégal. Yo, chambre à louer, appartement à louer, maison à louer, petit immeuble à louer. Man baye dina wani loi respecte louabi. Bouda les sama kaw dina meti lol, mom louabi. Verde su nek sewer seuk, donte yay roi. Te ñu nek ci dekk droit, yoon def na choix. Ku nek su ñun am nga logum, te am nga foi. Ku ñu bokke ben yoon, ce sera la joie. Ci ñu bakku un peu un but, une fois. Ma lay ñaanal verde, nga am li nga may fay. Bari le barkele moko gën, donte sax ay say. Rekondogu yag mbokula rawati na ki lay fay. Dina wone sama mbeke, man mi locataire. Louabi, man mi propriétaire bi. Dina wone sama mbeke, man mi locataire. Kon ma respecte louabi, man mi propriétaire bi. Bo si nekul, do meuna xam, mon ma mbeke. Boko jappe ni sa bopp gam nan yow. Kon ma respecte louabi, man le bop dina bram. Wow, yeah, yeah, yeah. Propriétaire bi, locataire bi, nyo boku Sénégal. Wow, Boki, nous avons les millions de francs. Tu vas amener mon mari 60 000 francs. 42 600 lay fay dan fay 70000 49700 80000 56800 dan fay 90000 63900 dan fay 100000 71000 francs dan fay 125000 88000 francs dan fay 140000 99400 mi nak nga xamni dañuy fay 150000 jëm kaw ñun ñu leen wajib 14% ñi fay 700000 jëm kaw ñoo ñu 4% mokki ñi nga jaje feul nguur gi ak liggey bu rafet bi ak ñi ci japp ñep ci nekkal ci micro bi seen xarit Dani Sen Safara and ak Natango ISO One Vision ki nek technique talibé xépli ñu ngi lén di jaajé feul ba benen yoon. On vient d'écouter Baisse des prix du loyer par Sen Safar, du reggae de Sénégal. Maintenant, il y a quelqu'un qui va prendre la parole pour la campagne de réquisition solidaire. Ouais. Bonjour, vous m'entendez? Ok. Alors, depuis le mois de décembre 2020, de nombreuses personnes ont mis en commun leur énergie afin de faire vivre la campagne de réquisition solidaire. Face à l'urgence sociale et sanitaire, nous voulions apporter des solutions directes, concrètes, efficaces. Nous pensons pouvoir affirmer que nous avons réussi. En effet, ce sont pas moins de 6 bâtiments qui ont été réquisitionnés, dont 4 qui permettent aujourd'hui à 450 personnes de se loger. Et dans cette dynamique, nos revendications étaient et sont encore plurielles. Le droit à un logement digne, le droit à avoir des papiers, la fin de la spéculation immobilière et des logements vides. Bien sûr, nous n'avons pas réglé les problèmes, tous les problèmes, mais nous avons, en plus des occupations en elles-mêmes, fait entendre notre voix. Plus de 50 organisations de la société civile nous ont rejoints pour affirmer que nos actions, bien qu'illégales, étaient justes et nécessaires. Et nous avons confronté les pouvoirs publics à leurs contradictions et leur incapacité à garantir ces droits fondamentaux au logement et à la dignité pour toutes et tous. Pendant tout l'hiver, nous avons fait le travail que les institutions publiques sont censées assumer, alors que les chiffres officiels confirment l'explosion du nombre de personnes sans-abri et mal logées à Bruxelles. L'auto-organisation et l'action directe se sont révélées être plus efficaces que les politiques institutionnelles. Question de volonté. Parce que c'est bien une absence de volonté qui est à l'œuvre. En témoignent les divers bâtiments publics vides que nous avons occupés. En témoigne aussi la répression subie lors de l'ouverture du Pacheco. À la solidarité et la possibilité de logement pour les plus précaires, les acteurs publics préfèrent souvent des projets gentrificateurs. Et quand les institutions acceptent, contraintes et forcées nos solutions, la répression fait face à la récupération opportuniste. Nous ne digérons pas les communiqués mensongers des communes concernant le relogement des personnes expulsées du bâtiment d'action d'Amiens dans celui géré par CityDev à Molenbeek. Ni répression, ni récupération, ni instrumentalisation, nous l'affirmerons systématiquement. Pour ces raisons, merci. Pour ces raisons, nous avons pris la décision de clôturer notre campagne de réquisition solidaire. Ou plutôt de la transformer. Nous restons mobilisés et déterminés, mais nous mettons en pause l'organisation et la médiatisation de grandes actions de réquisition. Nous voulons désormais sortir des radars et favoriser la décentralisation et la multiplication des actions. Il est plus que jamais nécessaire de continuer à soutenir des ouvertures, à occuper des bâtiments vides, à se battre contre la spéculation immobilière et contre les expulsions, pour l'expropriation des multipropriétaires, pour la baisse des loyers, pour que chacun et chacune puisse se loger et à se mobiliser pour la régularisation de toutes et tous. Ces revendications ne sont pas nées avec la campagne et elles ne cesseront pas d'exister. Appelons chaque personne à s'organiser et à se faire entendre. Face au risque de répression et de récupération, sachons nous rendre insaisissables. Soyons nombreux et nombreuses à nous saisir du pied de biche. Rassemblés ou dispersés, il n'y a aucune raison pour que notre motivation se fane, nos combats continuent. Et justement, on vient d'ouvrir un très grand bâtiment à deux facs, entre rue de Livourne et avenue Louise. Ce bâtiment appartient à la famille Spoelberg, troisième fortune de Belgique. Il fait environ 4 100 mètres carrés. Il est vide depuis 2016. Merci. Les négociations sont en cours. Il n'y a pas eu d'intervention policière jusqu'à maintenant, mais il faut rester mobilisé. Je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, campagne de réquisition solidaire, et on vous tiendra au courant des besoins de soutien dehors, des besoins de soutien pour les personnes qui vont vivre dedans. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez imaginer ça? Non, hein, c'est difficile d'imaginer de vivre sur un toit de 20 mètres carrés, deux ou trois familles. Ben voilà, c'est le cas de plus en plus de sans-papiers en Belgique. Parce que le loyer, il est devenu tellement, mais tellement cher ici. Moi, je suis ici en Belgique depuis 1999. Quand je suis arrivée ici, on savait payer un appartement avec une chambre pour 300 euros. Aujourd'hui, combien on paye pour un loyer d'une chambre? 700, 800 euros. C'est insupportable tout ça. Et le travail, quand on est arrivé ici, on savait quand même trouver du travail. Et aujourd'hui, surtout avec la pandémie, on ne sait plus avoir un travail et comme ça, on n'a pas une vie digne. On travaille, on essaye de donner une meilleure vie à nos enfants, à nos familles, mais les conditions sont devenues très catastrophiques. Et surtout, par rapport à, vraiment au logement. Imaginez-vous que dans une maison, dans un appartement, on doit partager une salle de bain, une toilette. Et si on a 3-4 enfants, comment on fait pour partager tout ça? C'est compliqué. Alors aujourd'hui, je viens en tant que porte-parole des collectifs des sans-papiers, parce qu'on est nombreux ici, et on est dans une lutte pour vraiment faire conquérir le gouvernement et que la société belge, elle nous regarde comme des êtres humains, parce qu'on est des êtres humains comme vous. On est là pour essayer d'avoir une vie digne pour notre famille, pour nos enfants. On ne vient pas ici pour voler la place à personne. On vient donner nos mains d'œuvre. On vient ici pour travailler et pour apporter beaucoup au pays. En fait, on rapporte beaucoup depuis des années parce que la Belgique, si on va voir, elle est faite des immigrés. Et on vient de l'autre côté du monde apporter notre main d'œuvre et qui parfois, non, la plupart du temps, elle est exportée. On ne paye de 5 euros de l'heure, de 3 euros de l'heure, ça c'est pas possible. On travaille comme des esclaves maintenant, à ce moment ici. C'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est pour ça que je vous demande, la société belge, de nous aider à avoir ce combat maintenant pour la régularisation, pour tous les sans-papiers qui sont sur le terrain belge. Merci beaucoup de votre soutien, mais merci vraiment de tout le cœur. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde connaît la chanson Pirouette, Cacahuète? Alors, donc j'ai écrit une chanson, ma maison est trop petite, je vais prendre la plus courte. Après, après la première phrase, vous êtes pirouette, cacahuète, ok? Ma maison est trop petite, est trop humide. Pirouette, cacahuète, ma maison est trop froide. Je suis malade toute l'année, pourtant je paye mon loyer. Ma maison est trop petite. Pirouette, cacahuète. Mais ma maison est petite. Et les enfants ne savent pas bouger. Et les enfants ne savent pas bouger. Mon loyer, il est trop cher. Pirouette, cacahuète. Mon loyer, il est trop cher. Je mange du riz en fin de mois. Et des patates le dernier jour. Le chauffage, il ne va pas. Pirouette, cacahuète. Le chauffage, il ne va pas bien. Le proprio, il ne fait rien. Le proprio, il ne fait rien. Quand je râle trop, il me prévient. Pirouette, cacahuète. Quand je râle trop, il me prévient. Qu'il peut louer à quelqu'un d'autre. Qu'il peut louer à quelqu'un d'autre. Finalement, je ne fais rien. Pirouette, cacahuète. Finalement, je ne fais rien. Et mon logement est insalubre. Et mon logement est insalubre. Si j'essaie d'aller me plaindre. Pirouette, cacahuète. Si j'essaie d'aller me plaindre. Je risque de loger dans la rue. Et deviendrai un sans-abri. Merci beaucoup. Ouais, la porte qui pleine, surtout. Vous êtes toujours à l'émission Tranche d'un art avec la couverture radio Housing Action Day qui a eu lieu le dimanche 28 mars à Bruxelles. Et maintenant, on va écouter la piste 2 de la balade sonore de Urbanisation à Anderlecht qui s'appelle Le logement un droit. Je m'appelle Fatima, j'habite à Molenbeek Saint-Jean, dans un appartement, le premier étage. Je m'appelle Aziza, j'habite à San Jose, troisième étage, appartement privé. Je m'appelle Abdelkader, j'habite Place Jardin en Fleurs, Mille Bruxelles. Je louais avec le privé social du CPS. Quand j'ouvre la fenêtre, il y a le bruit des enfants, le bruit des voitures, des gens qui passent dans la rue. Et le soleil et tout ça, et les oiseaux, ils s'enchantent aussi. Mon quartier, vraiment, c'est chouette, il est beau. J'aime mon quartier beaucoup. C'est quoi le droit au logement? Idéalement, il faudrait que tous les habitants de Bruxelles disposent d'un logement décent, abordable et adapté. Donc décent de bonne qualité, abordable dont le coût ne représente pas plus d'un tiers du revenu des ménages et adapté au nombre de ménages de la famille. Je travaille pour le RBDH, Rassemblement Bruxellois pour le droit à l'habitat. Il y a plein de droits constitutionnels, vous savez. Le droit de propriété, la liberté de penser, tout ça, il y a plein de droits. Il y a le droit au logement. Alors, quand il y a deux droits qui sont dans la Constitution, donc qui sont sur le même niveau, normalement, c'est des droits égaux. S'il y en a un, en l'occurrence, le droit de propriété, qui est beaucoup plus protégé que le droit au logement et qui affecte le droit au logement, il faut revendiquer que on puisse rééquilibrer la balance. Puis moi, je dis toujours, le logement, c'est peut-être parce que je travaille ici, mais c'est la base de tout, parce que c'est de là le point de départ pour réaliser ses autres droits. À la maison, on peut faire à manger, on peut prendre soin de soi-même et des siens, donc la santé, on peut se poser pour commencer à chercher du travail, se laver, l'hygiène, se reposer, se sentir en sécurité, c'est aussi très important. Donc c'est vraiment un peu la base de tout, quoi. Il Il y a une étude sur les loyers qui montre qu'en fait, si les gens ne mettaient qu'un tiers de leurs revenus sur le marché locatif, donc les appartements qu'on loue, il n'y a que 13% des logements qui sont abordables pour l'ensemble des Bruxellois. Et donc c'est ça, là, on est à une crise du logement abordable. Moins on a de revenus et plus on doit mettre énormément dans son loyer. On ne trouve pas directement un appartement qui convient pour les familles, les pièces de l'appartement, le prix. Il y a beaucoup de locataires qui ne donnent pas l'appartement pour les gens étrangers, qui demandent le fiche salaire. Il y a beaucoup de problèmes. Et on a cherché presque, j'ai dit, 12 ans ou un an et demi, je crois, on a vu presque tous les appartements de Bruxelles. Et à la fin, on a trouvé un monsieur qui n'a pas demandé les fiches de paie, la première chose. Et maintenant, je suis contente. Elle est très chère, mais l'important, c'est que nous sommes à l'aise. Le problème pour l'instant, c'est qu'un propriétaire, quand il a des visites d'un logement, il a tellement de personnes intéressées qui fait son marché. Il va prendre celui ou celle qui a un bon salaire, avec qui il a une bonne, un bon feeling. Voilà. Mais on sait bien qu'avec tous les préjugés qui existent, le feeling, c'est toujours un peu altéré. Donc, s'il y a beaucoup de logements disponibles, les propriétaires n'auront plus autant de gens pour un logement. Ils ne pourront plus faire leur marché. Moi, je cherche un appartement. Ça fait un an. Ils ne trouvent pas. Une fois, mon mari, il est parti pour louer. Il m'a dit, le propriétaire, s'il y a nationalité belge, c'est accepte. S'il n'y a pas, on n'accepte pas. Normalement, quand il regarde comme Abdelkader, il ne voulait pas. Oui. Peut-être demain, je change le nom, je mets Jean-Pierre. Et il donne. On étudie le français. Mmh. Aujourd'hui, on a un projet de question de logement ici à Bruxelles. Quel est votre avis par rapport au prix de soit de logement, soit de... Il y a des fois de l'exagération dans les prix du loyer. Ouais. Et ça, c'est le propriétaire qui profite un peu dans ce domaine. On ne sait pas interdire ça. Parce que c'est eux qui sont propriétaires, et voilà. C'est eux qui sont, ils ont le droit de décider, c'est pas nous. Hein. Je suis propriétaire d'un appartement ici, mais il est vrai que pour les nouveaux arrivants, c'est très compliqué de trouver un logement décent, ici dans la commune de Mille-Bruxelles. Pourquoi certaines personnes vivent dans des caves? Parce qu'on leur sous-loue hein, à des prix de 250-300 euros, mais ils vivent dans des caves, il faut le savoir. Hein. Ils vivent dans des caves. Il y a un observatoire des loyers qui a remarqué que les logements de mauvaise qualité sont plus chers que les logements de qualité moyenne. Et ça, en fait, c'est vraiment dû à cette situation de discrimination qui existe et à cette pénurie de logements abordables à Bruxelles. J'ai loué chez quelqu'un privé. Quand il pleut, de l'eau de jardin vient jusqu'à à mon lit. 20 mètres, elle demande 600 euros. Oui, pour 20 mètres. 20 mètres et quatrième étage, pourquoi? À Bruxelles, il y a un tiers de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et là-dedans, on ne compte pas les personnes sans papier et certaines personnes sans abri qui ne sont plus dans les statistiques. Donc c'est encore pire. Il faut mettre le budget pour que les gens vivent dans de bonnes conditions. Et il faut faire aussi des choix politiques et économiques intelligents, quoi. Vendre des terrains publics ou privés, ça c'est vraiment... c'est bête, quoi. Il manque de volonté politique pour construire plus de logements sociaux, pour encadrer réellement les loyers, mettre un permis locatif. Donc, de notre point de vue, on trouve que la région ne fait pas assez. Voilà. C'est parti pour découvrir une nouvelle manière d'imaginer l'accès à la propriété. Continuez rue de Liverpool et prenez la deuxième à droite, rue Abbé Cuillet. Au numéro 44 se trouve un futur logement de Community Land Trust. Une fois sur place, lancez la piste 3. Nous, avec le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, on a décidé de se battre au maximum contre le statu cohabitant. Le statu cohabitant qui empêche des gens de vivre ensemble. Donc quand on a un problème de logement comme on peut en avoir actuellement, pouvoir vivre ensemble, c'est quand même résoudre une grande partie du problème. Malheureusement, on ne peut pas le faire en Belgique quand on est allocataire social ou on bénéficie du chômage ou une autre allocation sociale. Quand on habite ensemble, on est considéré comme cohabitant. Nous avons fait un journal qui annonce la fin de ce statut cohabitant. On espère fortement le supprimer. Pourquoi ? Pour plein de raisons et surtout une aussi. Beaucoup de personnes sans abri pourraient être hébergées par des amis qui sont souvent allocataires sociaux. Le fait que ce statut cohabitant existe leur empêche de pouvoir le réaliser. Et c'est donc un combat pour le sans-abri. Contre le sans-abri, hein, un vrai combat contre le sans-abrisme que de supprimer le statut cohabitant. Et maintenant, nous avons repris une petite chanson de HK et les Saltimbanques, une chanson qui tourne pas mal sur les réseaux, qui s'appelle Danser encore, et nous l'avons modifiée et nous l'avons appelée Logement d'abord. Quelques feuilles ont été distribuées, alors si vous voulez nous accompagner, vous êtes les bienvenus. Merci. Ah ouais, une petite précision, je suis pas guitariste. Et une autre précision, ils sont pas chanteurs et moi non plus. Allez, il faut que je me mette le là. Je chante faux. J'ai le trac, je vous avoue, j'ai le trac. Allez, on démarre. Nous, on veut trouver un logement d'abord, avoir un lit dans un autre décor, passer notre vie chez nous et pas dehors. Non, on veut trouver un logement d'abord, avoir un lit dans un autre décor, passer notre vie chez nous et pas dehors. Nous sommes des humains de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous voulons notre indépendance. Allons dans toutes circonstances trouver un toit, une évidence. Et quand on a le soir fatigué, on ne sait plus où se poser, brimer, chasser sans défense. Non, la plus grande indifférence, nous faisons preuve de résilience. Oh non, nous, on veut trouver un logement d'abord, avoir un lit dans un autre décor, passer notre vie chez nous et pas dehors. Oh non, nous, on veut trouver un logement d'abord, avoir un lit dans un autre décor, passer notre vie chez nous et pas dehors. Oh, coco et au conso, dernière trace avant la passe, pour assurer nos errances, enracinées dans notre enfance, enracinées dans nos souffrances. Se confronter au judiciaire, soumission au commissaire, gardien de l'obéissance. Ils font preuve de tant d'insistance, pour si peu d'assistance. Oh non, nous, on veut trouver un logement d'abord, avoir un lit dans un autre décor, passer le lit chez nous et pas dehors. Oh non, nous on veut trouver un logement d'abord, avoir un lit dans un autre décor, passer le lit chez nous et pas dehors. Toutes ces demeures impénétrables, attirantes, c'est indéniable, vidées de toute leur présence.

Alors ça fait 2 ans qu'on voudrait organiser une grande manif dans les rues et malheureusement on n'a pas pu le faire cette année encore. On a à peine pu se rassembler alors que l'urgence est toujours plus grande. Et avec ça, notre légitimité aussi à être là. Ce n'est que partie remise parce que bientôt, on manifestera dans les rues et partout ailleurs. Dus we komen langzaam aan het eind van deze bijeenkomst. We weten dat het snel voorbij is gegaan. We willen nu al 2 jaar een grote demonstratie op straat organiseren. En helaas konden we dit jaar weer niet doen. We kunnen nauwelijks bijeenkomen terwijl de urgentie steeds groter wordt. En daarmee ook onze legitimiteit. Maar het is maar uitstel. En binnenkort zullen we demonstreren op de straten en in lege gebouwen. Le logement, c'est aussi important que l'alimentation, la santé, l'éducation. Le logement, pour la plupart des gens, c'est la dépense la plus lourde dans un budget. Ce n'est pas normal. Si après avoir payé le loyer, il ne reste rien pour se chauffer, manger, se soigner, se cultiver, ce n'est pas normal. Le logement devrait être considéré comme une priorité absolue dans notre politique publique. Huisvesting is net zo belangrijk als voedsel, gezondheid of onderwijs. Voor de meeste mensen is huisvesting de grootste uitgave in hun budget. Dat is niet normaal. Het is gewoonweg onacceptabel als er na het betalen van de huur niets overblijft voor verwarming, voor eten, voor gezondheidszorg of voor onderwijs. Huisvesting moet daarom als absolute prioriteit in ons overheidsbeleid worden beschouwd. Un logement décent, c'est un point de départ pour vivre dignement, se sentir en sécurité, préparer à manger, étudier, prendre soin de soi, se soigner, se reposer et pas seulement télétravailler. D'ailleurs, on sait bien qu'on n'est pas tous égaux face au confinement. On sait que c'est impossible de se confiner quand on est sans abri ou mal logé. Bref, sans logement, tout fout le camp. Le logement, c'est la base. Le logement, ça, c'est essentiel. Fatsoenlijke huisvesting. Huisvesting is een uitgangspunt om waardig te leven. Je veilig voelen, eten te bereiden, te studeren, voor jezelf te zorgen, uit te rusten en niet alleen telen te werken. Dit jaar werd duidelijk hoe we niet allemaal gelijk zijn tegenover de COVID-maatregelen. En het is onmogelijk om in een lockdown te gaan wanneer je dakloos bent of slecht gehuisvestigd bent. Kortom, zonder huisvesting is alles overhoop. Huisvesting is de basis, huisvesting is essentieel. Le logement est un droit fondamental et nous exigeons qu'il soit reconnu comme tel. La marchandisation de nos lieux de vie nous prive de ce droit et nous sommes là pour le défendre. Huisvesting is een fundamenteel recht en we eisen het dan ook op en als het, dat het zoals zodanig wordt erkend. Door de commodificatie van onze leefruimtes wordt ons recht dit ontnomen en wij zijn hier om dit recht op te eisen en te verdedigen. On peut arriver à obtenir des choses. En Espagne, ces dernières années, un grand mouvement social a réussi à empêcher des centaines d'expulsions. En Irlande, le moratoire sur les expulsions a été prolongé jusqu'au 31 décembre. À Berlin, suite à d'énormes mobilisations, les loyers ont été gelés pour 5 ans. We kunnen iets bereiken. In Spanje is een grote sociale beweging er de laatste jaren in geslaagd honderden uithuiszettingen te voorkomen. In Ierland is het moratorium op uithuiszettingen verlengd tot 31 september. In Berlijn zijn na grote mobilisaties de huren voor 5 jaar bevroren. Nos luttes sont légitimes. Et plus on sera de personnes et de collectifs impliqués dans cette lutte, plus loin on ira. Il faut qu'on continue à mettre la pression. On peut continuer à se mobiliser, rejoindre d'autres luttes, en créer de nouvelles avec nos amis, nos voisins, dans nos quartiers et nos villes. Et nos campagnes. Parce que les Wallons sont là, aujourd'hui aussi. 11 acties zijn légitiem. En hoe meer mensen en collectieven bij deze strijd betrokken zijn, hoe verder we kunnen komen. We zullen druk moeten blijven uitoefenen. We kunnen blijven mobiliseren. Ons aansluitingen bij andere bewegingen en nieuwe mobilisaties creëren. Met onze vrienden, met onze buren, in onze buurten, in onze stad. En met de campagne. Alors, il n'y avait pas que des mobilisations à Bruxelles aujourd'hui. Il y en avait partout en Europe, on l'a dit en début de rassemblement. Il y avait aussi des activités en Flandre. À Gand, il y avait une assemblée populaire sur le logement en plein centre-ville aujourd'hui. En Wallonie, il se passe aussi des choses. On a entendu le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté qui lutte sur le statut cohabitant. Et d'ailleurs, encore une fois, je tiens à signaler que de nombreux Wallons sont là aujourd'hui. Les Wallons, vous êtes là ? In Gent was er vandaag een volksvergadering over huisvesting in het centrum van de stad. En in Wallonië spreekt de RWLP zich uit over het samenlevingsstatuut. En er zijn ook heel veel Wallonen aanwezig hier vandaag. De Flamands. Alors en ce moment, il y a plein de choses qui se passent à Bruxelles. Il y a le front anti-expulsion. Il y a des petits stickers au stand ici. Qui essaie de lutter contre les expulsions et de visibiliser celles qui ont lieu. Il y a une pétition pour la baisse des loyers, on l'a déjà entendu aussi, qui circule. Il y a la campagne de réquisition solidaire qui a témoigné tout à l'heure. Des occupations de sans-papiers à l'église du Béguinage, à l'ULB, à la VUB. On est solidaires. L'occupation au Théâtre National pour le secteur culturel. La Santé en lutte qui organise une manifestation en mai. Il y a aussi la jeunesse qui est en lutte. Et j'en passe. Voilà. Er gebeurt veel in Brussel. Op dit moment is er in Brussel het front tegen uithuiszettingen. Een petitie voor lagere huurprijzen die daar kan worden ondertekend. Er is de campagne voor solidaire opvorderingen die vandaag een pand heeft gekraakt. Er zijn de politieke bezettingen van de sans-papiers in de Begijnhofkerk, aan de ULB, aan de VUB. Er is de bezetting van het Nationale Theater door de culturele sector die nog steeds gaande is. De Santé en Lut organiseert in mei een demonstratie die aansluit van, bij veel van deze standpunten. En de jeugd is ook in strijd. Bref, continuez à nous mobiliser, à lutter collectivement pour notre droit à une vie décente. Le logement, c'est pas un problème individuel, on l'a déjà dit, c'est un problème collectif. Ce qu'on veut, c'est un logement digne et abordable pour toutes et tous. Un point, c'est tout. On veut beaucoup de logements sociaux, une baisse des loyers, la fin des expulsions et une régularisation pour toutes les personnes sans papier. Kortom, laten we ons blijven mobiliseren en collectief blijven strijden voor ons recht op een menswaardig bestaan. Huisvesting is geen individueel probleem, het is een collectief probleem. Wat wij willen is fatsoenlijk en betaalbare huisvesting voor iedereen. Dat is alles. We willen meer sociale woningen, lagere huren, een einde aan uithuiszetting en de regularisatie van alle ongedocumenteerden. Et à toutes les personnes sans abri ou mal logées, on veut vous dire qu'on est avec vous et qu'on va continuer à se mobiliser avec vous. Aan iedereen die dakloos is of slecht gehuisvestigd is, jullie moeten weten dat jullie niet alleen zijn en dat we er zijn om ons met jullie te mobiliseren. Yeah. Merci beaucoup les filles. Et voilà, merci à tous et à toutes d'être venus. On va terminer, on va se laisser en se quittant sur de la musique. N'hésitez pas à danser avec une distance sociale et tout ça, et vos masques. Maintenant c'est Bless the Ladies. Je sais pas si vous voulez vous présenter. Non ? La musique le fera pour vous. Ok, merci beaucoup, place à la musique. Et à bientôt. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transgenre. De Transgenre. De Transgenre.